ده ما فيه صوت. هل فيه صوت؟ هل فيه صوت؟ فيه صوت الحمد لله. قلت الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ إن شاء الله ببعض الأحاديث يعني التي يعني درسناها من قبل حديث أو حديثين، ثم إن شاء الله تعالى نبدأ في الجديد. أما الحديث الذي ذكرناه، وأظن أنه آخر حديث ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. وذكرنا حديثا آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتي في منزله فليخبره أنه يحبه لله، فليخبره أنه يحبه لله. الأخ بلال سلفي، فيه صوت بلال رياض يقول فيه صوت، أنت بلال فيه صوت هذا ولا ما فيه صوت؟ لأنه كان فيه شيء أضغط عليه هنا مش موجود أمامي، لا أدري لماذا شيء أضغط عليه مو موجود هنا. بلال فيه صوت ولا العنكبوت فيه صوت حتى تيقن؟ فيه صوت. إذا من السنة أن الإنسان إذا أحب أحدا أن يخبره، أن يخبره، بل أكثر من هذا أن يذهب حتى إلى بيته ليقول له: إني أحبك في الله. وهذا يفعله الأخ مع أخيه، والأخت مع الأخت أيضا في الله سبحانه وتعالى، وهذا يزيد في الألفة ويزيد في المحبة. ويجيب الثاني فيقول: أحبك الذي أحببتني فيه، أحبك الذي أحببتني فيه. ويشترط أنه إذا قاله أن يكون صادقا وأن لا يقوله مجاملة ومداهنة. دونك لو بروفيت عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سي اون ام كالكان، إذا أحب أحدكم سي كالكان ام سون فخير اون الله، يعني بور الله، سي با بور لارجون بور اوتر شوز، بور الله كي لو لوي ديز، أو بيان اون سور ام اون سور، يعني بور الله، أكوز دو سا بيتي، أكوز دو سا صلاة، أكوز دو سا سانسيريتي، أكوز دو سون علم. Voilà ce que c'est pour Allah. Il dit فليعلمه، qu'il le lui dise, qu'il le lui dise. Ça aide à faire durer l'union. Et ça aide aussi en ce qui concerne l'amitié. En ce qui concerne l'amitié entre les deux. Et le deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si quelqu'un aime quelqu'un, qu'il aille à sa maison et qu'il lui apprenne qu'il l'aime en Allah. Yani qu'il l'aime. Il faut même qu'il aille jusqu'à sa maison pour lui apprendre cela. Il frappe à la porte, il lui dit: voilà, je suis venu te dire que je t'aime en Allah subhanahu azza wa jal. Et bien sûr, ceux qui s'aiment en Allah, c'est pas une chose facile. Je ne veux pas dire que c'est pas une chose facile, je veux dire que ce n'est pas une chose simple. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih que Allah azza wa jal dira يوم القيامة. Allah azza wa jal dira: أين المتحابون بجلالي أو في جلالي، أين المتحابون بجلالي، أو سون الله عز وجل ديغا يوم القيامة ديغا أو سون سو كي سون سو سون إيمي أو موا، يعني أو ما كوز، فتوضع لهم منابر من نور. الله عز وجل لي ميترون دون دي منابر، يعني دي شوز كوم سا إلفي كوم المنبر تاع الجمعة، دي شوز إلفي كوم سا، منابر من نور، يعني en lumière. Et نور bien sûr c'est pas de c'est plus que le l'or، c'est plus que les diamants، c'est la lumière هذه نور، يعني شيء عظيم، يعني spécialement pour ceux qui ici dans ce bas monde s'aiment en Allah سبحانه وتعالى. bien sûr j'oublierai pas de dire l'insan aqul إنه من أوثق عورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني إذا كنت تريد أن تعرف إيمانك هل أنت فيه صادق أم لست بصادق، فانظر هل تحب في الله وتبغض في الله أم لا؟ إذا كنت لا تحب أحدا يحبه الله عز وجل، لا تحب أحدا يكون تقيا، يكون مداوما على الصلوات، يكون صادقا في دينه، يكون وأنت لا تحبه، فهذا دليل على أن هناك خللا في إيمانك. والعكس، وإذا كنت تحب أحدا لا يحبه الله، أحدا يشرب الخمر، وأحدا يزني، وأنت مثلا تحبه، فهذا دليل أيضا على، أو لا يصلي أو كذا، فهذا دليل أيضا على أن في إيمانك خللا. Donc comme je viens de dire, aimer quelqu'un en Allah et haïr quelqu'un en Allah, ça fait partie de l'iman, ça fait partie de la foi. C'est pour ça que je veux dire que si tu n'aimes pas quelqu'un qui est pieux, quelqu'un que Allah Azzawajal aime, quelqu'un qui aime la religion, l'islam, quelqu'un qui fait tout pour se rapprocher d'Allah, ensuite toi tu l'aimes pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta foi qui cloche, quelque chose qui cloche. Je veux dire, si tu l'aimes pas à cause de son din, bien sûr maintenant si tu l'aimes pas parce que il fait des problèmes ou là, ça c'est autre chose, mais si tu l'aimes pas à cause de son din, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta foi. Et le contraire est vrai, ça veut dire que si on aime quelqu'un que Allah Azza wa Jalla n'aime pas, si on aime quelqu'un qui boit de l'alcool, si on aime quelqu'un qui fait ce que Allah Azza wa Jalla n'aime pas en général, quelqu'un qui ne prie pas, on l'aime, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre foi, parce qu'on doit aimer en Allah Azza wa Jalla et haïr et détester en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يأتي الحديث 283، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه. البروفة عليه الصلاة والسلام قال لسك الله عز وجل أم كلكا إلا سبكم كون دي النادي إلا أبل جبريل إلويدي إني قد أحببت فلان، جي إيمي X هذا، لابل avec le nom، جي إيمي X، فأمله، يا جبريل أمله، tu dois l'aimer. فينادي جبريل عليه السلام ينادي في السماء، ينادي للملائكة أن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبه. alors جبريل عليه السلام qu'est-ce qu'il va faire؟ parce c'est lui qui commande tous les anges les autres. Ici. Ensuite, Allah Azza wa Jalla va descendre la haine. Elle dit la haine, il va la mettre dans les cœurs des croyants, de façon à ce que dès que tu vois cette personne, tu l'aimes pas et tu veux pas t'asseoir avec cette personne et tu veux pas. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla a fait descendre la haine dans le cœur des musulmans. Et c'est pour ça que, par exemple, nous on dit cette personne, par exemple, elle est lourde pour nous. Certains disent que non, mais c'est faux. Bien sûr, ils disent les anges de cette personne sont lourdes. Malaikat al-Shakhsada yani thqal aliya wa hakada. Et il y a bien sûr un autre hadith al-arwah junud mujannada, on le laisse inshallah ta'ala quand on va arriver, qui montre aussi quelque chose en ce qui concerne comment deux personnes yani s'invitent et ou bien se détestent. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 285 وهو حديث صحيح خرجه الطبري وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه قال الله عز وجل عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم إذا أحب الله قوما ابتلاهم القفة عليه الصلاة والسلام أدي في الله عز وجل وبيان لغسك الله عز وجل أم يعني كالكا ولا أم دي جان ولا il leur fait des épreuves, il leur fait des tests. إذن إذا الإنسان يعني نزل به مرض أو نزلت به آفة ونزلت به مشكلة، فليس معناه أن الله عز وجل لا يحبه كما يظن البعض، أو أن الله عز وجل يبغضه، أو أن الله عز وجل يعني ظلمه أبدا. إنما ممكن هذا دليل على ماذا؟ على أن الله عز وجل يحبه، يعني قال إذا أحب الله قوما ابتلهم. والمساكين الآخرون الذين لا يبتلون مثلا يستدلون بعدم وجود البلاء على أن الله عز وجل راض عنهم وهم مخطئون. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن الابتلاء هذا بالعكس يكون إذا كان الإنسان يحب الله عز وجل وإذا كان إيمانه فيه صلابة. لهذا الأنبياء هم الذين يبتلون أكثر ثم الأمثل فالأمثل كما جاء في الحديث الصحيح. دونك لو بروفيت عليه الصلاة والسلام quand il a dit dans ce hadith lorsque Allah عز وجل aime quelqu'un il lui fait des tests et lui fait des épreuves. Par exemple une maladie, par exemple un accident de voiture, par exemple une mort d'un proche, etc. Donc ce qu'on voudrait dire ici c'est que quand on a des problèmes ou bien on a par exemple une maladie ou là qui vient ou là une maladie grave ou là, ça ne veut pas dire qu'on pense les autres que Allah Azza wa Jal ne nous aime pas ou que Allah Azza wa Jal yani, s'est vengé de nous. Non, ce n'est pas vrai. Ça c'est vrai quand cette personne n'est pas pieuse. Et quand quelqu'un fait le maximum de ce que Allah Azza wa Jal nous a donné de faire, ensuite yani, il a peur d'Allah, etc. Ensuite il y a des problèmes qui viennent et des maladies, etc. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal a aimé cette personne. Et les autres personnes qui croient que puisqu'elles n'ont pas de maladies, de tests et de problèmes, croient que c'est une preuve que Allah les aime, ils se trompent beaucoup. Ils se trompent beaucoup. Parce que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran que Alif Lam Mim, il a dit حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens croient que je les ai créés, yani à peu près le sens, je les ai créés comme ça sans que je les teste, sans que je leur donne des épreuves, alors que j'ai fait des épreuves à tous ceux qui étaient avant eux, à tous ceux qui étaient avant. Allah Azza wa Jal dit pour وليعلمنا الله الذين صدقوا وليعلمنا الكاذبين, pour que je montre aux gens, à eux-mêmes, afin qu'ils sachent est-ce que ils sont sincères ou bien est-ce qu'ils sont des menteurs et des hypocrites. Allah Azza wa Jal sait. Allah Azza wa Jal, avant de nous tester, il sait ce qu'on est, ce qu'on vaut, etc. Mais il veut nous montrer à nous. وليعلمنا الله, c'est pas que Allah ne sait pas, il va savoir. Impossible. C'est pour te montrer à toi ce que tu vaux. Parce que nous, maintenant, tous, on est en train de dire, on a la foi, masha'Allah. Oh, moi, j'ai une foi, masha'Allah, une foi inébranlable. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Attendons la maladie, et ensuite, on va voir ce que je vaux. Attendons un problème, un accident, etc. Et là, je vais voir ce que je vaux. Est-ce que je suis sincère ou bien je suis un menteur? Donc voilà ce que ça veut dire le verset, et non pas comme comprennent les autres, ils croient, ils disent que yani, après Allah saura. Là, Allah Azza wa Jal sait, avant de nous avoir créé 50 000 années, il sait tout. C'est pour ça que j'ai dit que les prophètes sont les premiers à être éprouvés et testés. Et leurs tests sont beaucoup plus durs que nos tests. Pourquoi? Parce que les tests viennent d'après la foi. Plus la foi est grande, plus il y a des tests. Et plus la foi est faible et mince, plus les tests sont petits. Et les tests, ce n'est pas toujours les maladies, etc. Les tests, ça peut être la richesse. Ça peut être Allah Azza wa Jal va te donner une richesse comme il n'y en a pas deux. On va voir. Tu étais pauvre, maintenant tu es riche. Comment tu vas devenir? Est-ce que tu vas faire toujours la prière à l'heure? Est-ce que tu vas faire l'aumône, etc., etc. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. قلت إذن الابتلاء ليس دائما يكون بالأمراض وكذا, يكون كما يكون بالشر يكون بالخير, يكون تارة بالغنى, يفيض الله تعاليك من الأموال يعني الأموال الطائلة بعدما كنت فقيرا وننظر الآن هل راح تثبت أم أنك ترجع على عقبك. Donc les preuves comme je viens de dire et les tests, ce n'est pas toujours les maladies, les problèmes, mais des fois ça peut être même la richesse, ça peut être la beauté, ça peut être la santé, ça peut être. Ensuite, on va voir comment le musulman, la plupart du temps, comment qu'il va changer, s'il n'est pas sincère, bien sûr. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث 292 وهو حديث حسن. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans un hadith un hadith qui est bon. Il a dit إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ مِنَ اللَّيْلِ, lorsque le soir tu vas te coucher, tu rentres dans le lit, bien sûr on rentre toujours sur le côté droit, et on fait le doua, vous devez le connaître bien sûr. Ensuite il a dit faqra ida akhadhta marja'ak min layl faqra qul ya ayyuhal kafirun li avant de dormir qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhir sura. Elle est petite bien sûr, elle vaut un quart du Coran, comme vous devez le savoir. قل يا أيها الكافرون تعدل ماذا ربع القرآن كما جاء في الحديث الصحيح. إذن قال فقرة قل يا أيها الكافرون ثم نم لي قل يا أيها الكافرون ensuite دور على خاتمتها في دو سخت كساسوا la dernière chose à dire, يعني لا عبدوا ما تعبدون ensuite في الآخر يقول لكم دينكم ولي دين. Et tu dors à la kelmat din, tu n'ajoutes aucun mot, yani tu ne parles avec personne, tu dors, yani dernier mot. Il a dit fa'innaha bara'atun min ash-shirk, fa'innaha bara'atun min ash-shirk, yani law al-insan yamut itraha wa yamut fi laylatiha fa'innahu idha ata Allah azza wa jall yakunu min alladhina bara'ahum Allah azza wa jall min ash-shirk, wa hadha fadlun 'azim liman yaqra'u hadhihi as-sura fi al-layl qabla an yanam. Donc si on la lit et on meurt et on dort, pardon, peut-être si on meurt cette nuit-là, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une bara'a min ash-shirk. Je ne sais pas comment on dit bara'a, yani, c'est une préservation, il y a quelque chose comme ça, de l'associationnisme. C'est-à-dire quand tu rencontres, si tu meurs, tu rencontres Allah azza wa jal cette nuit-là, tu le rencontres comme un vrai mouahid et non pas un musulman qui fait du shirk. Parce qu'il y a même des musulmans qui font du shirk. Et bien sûr, il y a les non-croyants qui, bien sûr, toute leur vie, c'est du shirk. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرة فليمسح عليهما ثلاثا للمسافر ويوما للمقيم. هذا بالنسبة لمن يلبس الخفين أو يلبس مثلا الجوارب. إذا أدخل رجليه طاهرتين يعني على وضوء فإنه يجوز له أن يمسح على الجوارب مثلا أو على الخفين ثلاثة أيام إذا كان مسافرا ويمسح 24 ساعة إذا كان مقيما وليس بمسافر كما قلت بشرط ماذا أن يدخل رجليه على وضوء أن يدخل رجليه على وضوء وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفقه الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل. Donc le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, quiconque, yani, si vous rentrez vos pieds, les deux pieds, dans les souliers, yani, ça ressemble à des souliers, c'est en plastique, ou bien par exemple dans les chaussettes, non, si vous les rentrez, après avoir fait l'ablution, après avoir fait les petites ablutions, ensuite vous rentrez vos pieds par exemple dans les chaussures par exemple, ou les chaussettes, tu peux essuyer sur les chaussettes pendant 3 jours si tu es en voyage et 24 heures yom wa layla si tu n'es pas en voyage. Alors, bien sûr, après chaque 24 heures, on doit quoi ? On doit essuyer sur les chaussettes de nouveau. Pardon, on doit faire les ablutions, les petites ablutions de nouveau, sauf si nos ablutions n'ont pas été annulées. Mais après 24 heures, on peut plus essuyer, mais on doit laver les pieds de nouveau. Ça veut dire faire les ablutions de nouveau et laver les pieds. Et ça, bien sûr, ça, on en reparlera avec beaucoup plus de détails dans le fiqh, inshallah ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha arada Allah bi'abd khayran tahara قبل موته قالوا وما طهور العبد قال عمل صالح يلهمه إياه ثم يقبض عليه. حديث صحيح. وقلنا أيضا مرة إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله؟ قال يفتح لو عملا صالحا قبل موته ثم يقبض عليه. سبحان الله العظيم. الله عز وجل من إكرامه للمؤمن أنه إذا أراد أن يقبضه ويقبض نفسه ماذا يفعل له؟ يعسله أو يطهره، يعني يلهمه عملا صالحا ثم يقبضه عليه. يلهمه مثلا أن مثلا يصلي نافلة أو أن يصوم أو أن يفعل أو يتصدق بشيء ثم يقبضه في اللحظة التي هو يكون متلبسا بها بالعبادة. هذا فضل من الله عز وجل، لأن الناس يبعثون على حسب ما ماتوا عليه. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, lorsque Allah عز وجل veut de quelqu'un du bien, il le purifie avant de mourir. On a dit à Rasulullah, comment sera sa purification? Comment qu'elle sera? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, عَمَلٌ صَالِحٌ يُلْهِمُهُ إِيَّهُ. Allah عز وجل يعني l'aidera de façon à ce qu'il fasse une action que Allah عز وجل aime. Une action que Allah عز وجل aime. Par exemple, il lui fait dans son cœur de façon à ce qu'il se lève, par exemple, pour faire une prière, une nafila, par exemple. Ou bien pour qu'il fasse le jeûne, par exemple, le jeudi ou bien le lundi. Ensuite, Allah عز وجل, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait mourir en plein bonne action, en plein cette action que Allah عز وجل aime. Donc, ça c'est un, يعني هذا فضل كبير من الله عز وجل. Allah عز وجل, quand il aime quelqu'un, il ne laisse pas mourir يعني dans des choses ou là dans des actions qu'il n'aime pas. C'est pour ça que quelqu'un que Allah عز وجل aime, jamais il ne meurt, par exemple, dans un bar, même s'il ne boit pas de l'alcool. Jamais il ne meurt en train de voler ou là. Mais il meurt, par exemple, dans une mosquée. Il meurt tout en allant au Hajj ou à la Umrah. Il meurt, par exemple, tout en faisant le jeûne. Yani, il fait le Siyam, par exemple, Siyam al-Ithnain. Par exemple, il se dit, je vais, par exemple, donner de l'argent à quelqu'un. Je vais faire, par exemple, Sadara. Il sort et voilà, il meurt. Là, ça veut dire que Allah Azza wa Jal a aimé cette personne parce qu'il l'a fait mourir en faisant une chose que Allah Azza wa Jal aime. حسن الخاتمة حسن الخاتمة سأل الله عز وجل أن يعسلنا وأن يطهرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Parce que vous devez tous savoir que le jour de la résurrection يوم القيامة on se lèvera ou là d'après la façon dont يعني on viendra à Allah d'après la façon dont on est mort. يعني celui qui meurt avec une bouteille par exemple de vin dans sa main, il viendra avec la bouteille. Celui qui meurt en train de, par exemple, dans une fête où il y a le haram, il y a celui qui meurt le réveillon, la fête du réveillon, il viendra yani, tout en dansant, astaghfirullah. Il viendra yani, dans une position, et il y a pire que cela. Il y a yani, qui meurt avec une femme, il y a qui meurt avec la drogue, donc c'est très grave la façon avec laquelle la personne va mourir. Et c'est pour ça que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-a'mal bil khawatim. Innama al-a'mal bil khawatim. Donc la fin de la personne peut être une preuve. Yani on sait à peu près à 80% que va être l'avenir de cette personne. On voit la façon dont elle est morte. Idan qult khatimatul insan kayfa yamut qad takunu dalilan fil ghalib ala madha على يعني إخبارنا قد تكون يعني أقول أمارة وقد تكون يعني قارنة على ماذا؟ على أن الله عز وجل راض عن هذا الإنسان أو أنه عليه غضبان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يعسلنا وأن يطهرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت صلاة فليذهب إلى الخلاء. حديث صحيح. إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans un hadith صحيح, si quelqu'un de vous veut aller aux toilettes alors que la prière يعني a commencé, on a dit الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة, la prière classe, l'imam va dire الله أكبر pour commencer la prière, les gens commencent à faire les rangs, ensuite on veut aller aux toilettes. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce qu'on fait? On commence par les toilettes. Naam. Limada? Li'annahu la yajuzu li ahadin an yusalli wa huwa mashghul al-qalb. La bi akl wa la bi mathalan mirhad. Wa li hadha qala sallallahu alayhi wa sallam fi ma'na al-hadith wa huwa sahih wa mawjud aydan sahih al-jami' yaqul la salata bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. لا صلاة لا تستطيع أن تصلي وأنت في حالة جوع شديدة. لماذا؟ لأنك تكبر وقلبك أين؟ قلبك مع الأكل. قلبك مع الأكل. والله عز وجل يريد أن يكون قلبك له وحده لا شريك له. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا لا تبدأ بالأكل وليس بالصلاة. وكذلك أو ربما أعظم وأصعب إذا كان الإنسان في حاجة إلى أن يذهب إلى المرحاض فهو يصلي وماسك في بطنه، فهذا لا يستطيع أن يصلي، بل هذا يقطع الصلاة حتى إذا كان داخل صلاة يخرج منها ويذهب إلى المرحاض يرتاح ثم يرجع إلى الصلاة. Donc personne ne peut faire une prière quand il a des problèmes. Par exemple, il veut aller aux toilettes, ou bien par exemple, il a très faim. Il peut pas, parce que Allah Azza wa Jalla veut de nous que lorsqu'on rentre dans la prière, il veut que notre cœur soit seulement pour lui. On ne pense qu'à Allah Azza wa Jalla, à ce qu'il aime et à la prière, et on entend ce que l'imam est en train de lire, ou bien nous, on pense à ce qu'on est en train de lire. Mais maintenant, si on rentre tout en ayant une grande faim, on est affamé, on en meurt de faim, ensuite on rentre dans la prière, on ne va pas penser à la prière, mais on va être pressé pour qu'elle se termine, parce qu'on est en train de penser à quand est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'il y a à manger, etc., etc. Et pire encore, quand on veut faire par exemple nos besoins, ou bien on a une grande envie d'uriner, on ne peut pas aussi rentrer dans la prière. Le prophète alayhi salam a dit, commence par les toilettes, ensuite tu vas faire la prière. Et la même chose a dit, commence par le manger, ensuite tu vas faire la prière. نعم ولهذا يقول العلماء يقولون يعني من الحكمة أن تملأ بطنك يعني بالأكل، أن تملأ بطنك لتفرغ قلبك. سبحان الله العظيم، هذه الحكمة، تملأ بطنك يعني ماذا؟ لتفرغ قلبك لله عز وجل. أما إذا لم تملأ بطنك فإن قلبك لا يكون مع الله ولا مع الصلاة، إنما يكون مع ماذا؟ يكون مع الأكل. وتعلمون أن فيه حديثا صحيحا يقول ليس يعني للمصلي من صلاته إلا ما عاقل، يعني أنت الله عز وجل لا يكتب لك من صلاتك إلا الشيء الذي كان عقلك فيه موجودا أثناء الصلاة. كلما يذهب عقلك بك بعيدا عن صلاة، فإن الله تعالى لا يكتب لك شيء من صلاة. لهذا ترى الإنسان يخرج من صلاة وليس له إلا الشيء، إلا العشر، إلا كما في الحديث، إلا التسع، إلا الثمن، إلا ترى إلا النصف. donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans un autre hadith Allah عز وجل ne nous donne comme bienfait et ne nous écrit de notre salat que ce dont notre cerveau, je ne sais pas si on dit aqlouk, notre cerveau était présent. Ça veut dire que quand tu dis Allahu Akbar, à chaque fois que ton cerveau, je ne sais pas si on dit cerveau, yani je veux dire aqlouk, yani à chaque fois que ton esprit est avec toi, tu sais ce qui se passe, tu sais ce que tu es en train de lire, tu sais si tu fais la prière avec l'imam, ce qu'il est en train de lire, tu sais ce que tu es en train de dire, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, tu sais, Allah Ta'ala écrit. À chaque fois que ton cerveau, ta tête n'est pas avec toi, l'écriture arrête. Ça veut dire, c'est pour ça que le prophète alayhi salam sallam dit, des fois certains gens sortent de la prière et ils n'ont que un dixième de la prière, un neuvième, un huitième, un septième, un sixième, jusqu'à ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, des fois ils n'ont que la moitié. Et des fois peut-être on sort avec la salat et on n'a rien. ولهذا تلاحظون الحكمة من ماذا؟ من أن شرعنا الحكيم فيه ماذا مثلا؟ فيه النافلة مثلا قبل الفرض. لماذا النافلة هذه؟ لتحضر نفسك حتى تستحضر الخشوع، لأنك أنت تكون مع أهلك وتكون في الشغل أو تكون مقابل تلفاز أو تكون تتكلم مع أشخاص في قضية، ثم تأتي تذهب مباشرة تقول الله أكبر، فإن هذا يصعب عليك. لماذا؟ لأن ما زلت في الصلاة مع الشيء الذي كنت معه قبل الصلاة، يعني أنت تصلي لكن تفكر في الشيء الذي يعني في التلفزيون أو في الشيء الذي كنت فيه. لهذا شرعت النافلة قبل مثلا أربعا قبل الظهر. لماذا؟ حتى يعني تعود نفسك على الصلاة وأنك في صلاة، ثم لما تدخل في الفرض تكون قد دخلته بعد ماذا؟ بعد أن تلبست بالنافلة، يعني دخلت الفرض بعد صلاة ولم تدخل الفرض بعد كورة أو بعد كلام في المال إلى غير ذلك. C'est pour ça que dans notre religion, par exemple, avant le dhuhr, pourquoi on fait 4? On fait 4 rak'at avant le dhuhr, ou bien 2. Parce que si on vient directement de la maison, ou bien du travail, ou bien de la télévision, on va directement à faire la prière, notre esprit sera toujours avec la dernière chose. C'est-à-dire avec la télévision, ou bien avec la femme, ou bien avec les enfants, ou bien avec le travail. Mais si on fait d'abord une nafila, par exemple, avant, là, quand on rentre dans la salat, dans la prière obligatoire, ça veut dire que c'est facile pour nous d'avoir le khushu' parce que on est rentré d'une salat à une autre salat. On n'est pas rentré du match à une salat. Voilà la différence. Pardon, seulement 2 minutes, je dois m'arrêter 2 minutes, inshallah ta'ala, et je reviens.